Vous écoutez Radio Différence, l'émission radio nantaise de diversité psychique. Vous pouvez nous écouter sur le site www.radiodifference.eu. Si vous voulez participer, vous pouvez nous contacter à radiodifference@hotmail.fr. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'amour. Bonjour. Alors, moi, c'est André. Aujourd'hui, on nous demande de parler sur l'amour. Écrire sur l'amour. J'aime bien écrire. Qu'est-ce que c'est l'amour pour moi? Je n'y ai pas accès. Je ne pourrais parler que de l'ennui, la solitude, l'angoisse, ou du péché contre l'amour que j'ai beaucoup pratiqué. Qu'est-ce que le péché contre l'amour? Je crains de le savoir. L'impossibilité d'aimer. L'impossibilité pour moi d'écrire sur l'amour. Je ne pourrais écrire que sur tout ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire tout ce que je vis. Une vie sans amour, sans joie, sans bonheur. On peut vivre sans amour. Ce qui compte, c'est d'avoir de l'argent. De quoi manger, de quoi fumer, la télé, la radio, des livres qui parlent de tout, sauf de l'amour. Je n'aime pas l'amour. L'amour, je m'en fous. Je ne suis pas concerné par l'amour. Ce qu'il me faut, c'est des médicaments. Parce que j'ai peur de l'amour, de la vie, de la mort, de la souffrance physique et mentale, de la folie. Je vis ainsi une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Une vie sans amour n'a aucun intérêt. Ne pas connaître l'amour, ne pas le vivre est un handicap lourd. Il faudrait que Dieu existe et qu'on se sente aimé de lui, qu'on puisse l'aimer et croire en lui, mais toute la Bible me condamne. Comme je ne peux faire ni le bien ni le mal, Dieu me rejette et le diable ne veut pas de moi dans son enfer. Je suis bon pour le vestibule de l'enfer dont parle Dante, paraît-il, là où vont ceux qui restent indéfiniment dans l'hésitation, l'indécision. Je ne me sens ni heureux ni malheureux, ni bon ni mauvais, rien. Heureux celui qui n'est rien, dit Krishnamurti, qui recommande de n'être ni catholique, ni musulman, ni bouddhiste, ni promis à la vie éternelle, ni à la réincarnation, ni à aucune illusion qu'on puisse se faire. On n'a pas besoin d'un sauveur, ni d'un gourou, ni Dieu ni maître, disent certains, on n'a besoin que de soi. Les religions, comme la politique, la gauche, la droite, n'apportent que des conflits, dit Krishnamurti encore. Je me sens en paix, désespérément en paix, sans amour, sans conflit. Les conflits, c'est pourtant parfois rigolo. Ça distrait, il y a de la vie, de la violence. Je m'écarte. L'amour, c'est comme le reste, c'est une guerre. Pour faire l'amour, il faut être armé pour ça. Il y a des risques de blessures. Il faut être courageux. Et moi, je suis poltron. Les poltrons, Dieu les vomit, comme les tièdes. Comme les femmes qui n'aiment pas les impuissants, les branleurs. Et moi non plus, je ne m'aime pas. Je n'aime pas ma vie. Je devais déjà parler comme ça à une copine en 78, et elle me répondit « Pourquoi tu ne te suicides pas ?» Je ne sais pas. Depuis tout ce temps, je fréquente assidûment tous les services sociaux de prévention du suicide, SOS Amitié, Recherche et Rencontre, etc., qui proposent d'aider à survivre à une situation désespérée. À quoi bon? Vivre ne m'amuse même pas. Une autre copine m'avait donné le coup de grâce en 78, « Tu n'as rien à donner. » J'aurais pu lui répondre la phrase de Lacan, « L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. » Et toc. Je n'ai pas de femme, pas d'amis, mais j'ai des livres, de la lecture. Les livres sont des amis froids et sûrs, dit Victor Hugo. J'ai aimé certains livres, certains disques de chanteurs. J'ai aimé Brassens, j'ai aimé mon chien, les chattes successives de la maison, mes parents quand j'étais enfant, ils sont tous morts. J'aime mes souvenirs. Je n'aime pas beaucoup mon présent. L'amour, j'ai donc su ce que c'était. il y a longtemps. L'amour, on ne peut parler que de ce qu'on connaît. Je ne connais que l'erreur, le mensonge, la tricherie, la peur, la maladie. Freud dit que la mélancolie se caractérise par la perte de la capacité d'aimer. Ne plus pouvoir aimer, c'est tomber dans une dépression profondément douloureuse, une suspension de l'intérêt pour le monde, l'inhibition de toute activité et la diminution du sentiment d'estime de soi, dans deuil et mélancolie. Heureusement, Jésus est né, mort et ressuscité, on peut donc aller s'enfermer toute une vie dans un monastère, et cela aussi c'est l'amour. Je peux donc venir tous les mardis à l'aumônerie catholique, car je suis baptisé, et j'aime qu'on me dise que Dieu m'aime. Dieu n'est pas malade ni mélancolique, lui, il a bien de la chance. L'amour, c'est quelque chose ou quelqu'un qu'on peut chercher, mais qu'on ne trouve pas. Si on le trouve, ce n'est pas ça. Saint-Exupéry dit, « L'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder dans la même direction. L'amour est un chemin orienté vers un but, un idéal, c'est une recherche, une quête. « Mon père était un chercheur d'or », chantait Brel. L'ennui, c'est qu'il en a trouvé. L'amour, c'est comme Dieu. Existe-t-il? Peut-on prouver son existence ou son inexistence? S'il est mort, où est le corps? Et maintenant, un petit peu de musique. Il s'agit d'un morceau d'Emily Loon qui s'appelle Childhood Friend. Call me up, dear, it's been more than 1 year. Childhood friend, seemed like this summer I sneaked out to be with her. Childhood friend, oh, you know me like I know you. You've seen me, know what there was true. Childhood friend, oh, you know me like I know you. Come, let's go down to the lake that's near our home. Come, bus to town. No, let's see what's on your mind. Let's share our dreams of love we wish to find. Bonjour, je m'appelle Lionel Calvez. Je vais vous parler de l'amour. D'abord, c'est tout d'abord un sentiment très fort, une découverte en soi de quelque chose d'immense. C'est la vie, d'aimer voir un sentiment, un désir de partager quelque chose d'intime. Aimer, c'est d'écouter son cœur et en même temps faire des sacrifices. Oui, Lionel, voilà ce que je pense de l'amour. Je pense que l'amour est d'abord un sentiment très fort, quelque chose d'immense, un partage qu'on désire faire, des sacrifices, et découvrir ce qu'on peut faire pour l'autre. Bonjour, je m'appelle Colette. Aujourd'hui, je vais parler de l'amour. L'amour. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. C'est écrit dans une chanson de Jean Gabin. L'amour, c'est beau. Et j'ai 51 ans, je crois encore à l'amour. Il n'y a pas d'âge pour aimer. L'amour est un sentiment. On a la sensation de partager quelque chose avec quelqu'un. Et ce qui aboutit à des sentiments très forts. Quelque chose de grand, d'immense, qui se dénoue de soi-même. En fait, l'amour est plus important que tout. Ce qui nous permet d'obtenir une stabilité, un équilibre entre deux êtres qui s'aiment fondamentalement. Bonjour, alors je m'appelle José. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour. L'amour, c'est une chose qui se vit à deux ou à plusieurs. Mais avant tout, je voulais vous dire, c'est du désir l'un envers l'autre et du partage. L'amour, c'est aussi un acte merveilleux et sensuel avec beaucoup de complicité. Alors, laissez-vous tenter. Allez-y, partagez vos sentiments et tout ce que vous avez. Allez avec votre et vos partenaires. Excusez-moi, j'ai fait une petite faute.